Le Dhammapada. Verser sur l'attention. L'attention pleinement consciente est la voie qui mène au-delà de la mort. Le manque d'attention est la voie qui mène à la mort. Celui qui est pleinement présent et conscient ne meurt pas. Celui qui n'est ni présent ni conscient est quasiment déjà mort. Conscient de l'importance de ce facteur d'attention, ceux qui ont la sagesse de le cultiver se réjouissent dans la présence attentive et demeurent ainsi auprès des êtres pleinement réalisés. Les sages, régulièrement absorbés dans leur méditation, persévèrent sans fléchir. Eux seuls font l'expérience du Nibbana, parfaite libération de toutes les entraves. Ceux qui s'engagent dans la pratique du Dhamma avec détermination, vigilance, pureté d'action, considération pour autrui et modération, vivent réellement le Dhamma et leur rayonnement grandit. grâce à sa détermination, son attention, sa modération et sa maîtrise de lui-même, le sage crée une île qu'aucun raz de marée ne saurait submerger. L'ignorant et le sot se complaisent dans la négligence et le manque d'attention, tandis que le sage considère la présence attentive et consciente comme son bien le plus précieux. ne cédez pas à la non-attention. Ne vous laissez pas absorber par les plaisirs des sens. Celui qui est pleinement présent et conscient, absorbé dans sa concentration méditative, découvre un bonheur immense. Le sage a remplacé le manque d'attention par une attention pleinement consciente, ayant escaladé la haute tour du discernement, libre de toute affliction. Il observe l'humanité souffrante comme un homme en haut d'une montagne observe les êtres minuscules qui s'agitent dans la vallée. attentif parmi ceux qui manquent d'attention, éveillé parmi ceux qui dorment. Le sage avance tel un rapide coursier, distançant les montures plus faibles. C'est grâce à l'attention qu'Indra a conquis son royaume céleste. L'attention sera toujours vantée, tandis que le manque d'attention sera toujours décrié. Le moine, conscient des vertus de l'attention et des dangers du manque d'attention, avance comme un feu de forêt, brûlant sur son passage tous les attachements, du plus petit au plus grand. Le moine, conscient des vertus de l'attention et des dangers du manque d'attention, ne pourra plus régresser. Il a atteint la porte de la libération.